Chapitre 2. Les résultats de Salim sont corrects, mais pourraient être bien meilleurs s'il travaillait avec davantage de sérieux et de régularité. Attention au bavardage et à ne pas confondre humour et insolence. Mademoiselle Nicolas, professeure principale. Salim se tourna vers Bjorn. Camille discute avec son frère, elle en a pour un bon moment. Jusqu'à demain matin, en fait. Je ferai volontiers un tour jusqu'au peintre. C'est la cité où j'habitais, tu m'accompagnes ? Volontiers, si nous mangeons d'abord, s'exclama le chevalier. Les deux amis se mirent à marcher. En passant le pont sur le fleuve, Salim rappela à Bjorn la fois où Camille et lui s'étaient retrouvés au fond de l'eau après un pas sur le côté malheureux. Il tendit ensuite le bras vers le quartier de la tour romaine, en lui expliquant que les parents adoptifs de Camille vivaient là-bas. Puis les immeubles des peintres se dressèrent devant eux, et il se tut. De nombreux enfants jouaient encore sur les trottoirs éclairés par de hauts lampadaires, tandis que dans les coins sombres, des groupes plus âgés discutaient ou écoutaient de la musique. Bjorn engloutit la dernière bouchée d'un énorme sandwich garni de deux steaks et de frites qu'il avait acheté dans le centre-ville. Il s'essuya les lèvres d'un revers de manche, puis détailla les environs. Il y a peu de grâce dans ces tours, jugea-t-il. Salim écarta les bras en signe de fatalité. Je sais, et je ne rêvais que d'une chose, quitter cet endroit. Maintenant que c'est fait, je m'aperçois que j'y ai laissé une partie de moi-même. Je ne regrette rien, mais je ne peux pas oublier. Il y avait une note de tristesse inhabituelle dans sa voix, et Bjorn le considéra avec gentillesse. Quels sont tes projets ? Simplement regarder, je crois, répondit Salim. Je n'ose pas imaginer la réaction de ma mère si je rentrais ce soir à la maison, à l'air de rien. Je pense qu'on entendrait ses hurlements jusqu'à l'autre bout de la ville. Hurlements de joie ? Tu rigoles ? Ce n'est pas ma vraie mère, tu sais. La mienne est morte quand j'étais un bébé. Mon père s'est remarié avec une femme qui arrivait du Cameroun. Ils ont eu 5 filles. Comme aucun fils ne pointait son nez et que je lui rappelais trop de mauvais souvenirs, il a foutu le camp. 2 cousins sont arrivés et j'ai commencé à ne plus me sentir chez moi. Tout en parlant, Salim entraîna Bjorn vers un banc et ils s'assirent face à la tour Picasso. C'est là que j'ai grandi, au 17e étage de cet immeuble, continua le garçon. Je n'ai pas reçu de coups, mais pas de tendresse non plus. En fait, personne ne s'est jamais vraiment occupé de moi. Si tu savais combien de fois j'aurais aimé avoir un père ou un grand frère pour me défendre quand je me faisais enquiquiner ou racketter dans la rue, mais je n'en avais pas. Alors j'ai appris à me débrouiller, à courir vite. Pour tout dire, Bjorn, si je n'avais pas rencontré Camille, je crois que j'aurais mal tourné. Il y eut un long silence. Le chevalier observait les tours, les jeunes qui déambulaient, désœuvrés. Par les fenêtres aux volets encore ouverts, il apercevait la lumière bleutée de dizaines de postes de télévision et, de temps en temps, les phares d'une voiture illuminaient brièvement les murs tagués d'insanité. Il ne comprenait pas. À côté de lui, Salim était perdu dans ses pensées. Il reprit soudain la parole, la voix teintée d'une douce allégresse. « Elle est exceptionnelle », confia-t-il à son ami. « Celle qui m'a donné envie de m'intéresser aux choses et aux gens. Grâce à elle, je me suis accrochée au collège, même si ma voix semblait tracée. Je suis ce que je suis, mais ce que je suis, c'est à elle que je le dois. » « Non, tu as tort. » Bjorn avait parlé avec force, ses yeux plantés dans ceux de Salim. « Et Willan n'a pas inventé ton courage, ta force de caractère ou ta loyauté ?» poursuivit-il. « Personne ne t'a obligé à voler à son secours, et c'est à toi et non à elle que je dois la vie. Bien des adultes auraient intérêt à calquer leur attitude sur la tienne, crois-moi. Tu peux être fier de ce que tu es. » Salim se contenta de hocher la tête avant de s'ébrouer comme s'il sortait d'un songe. Il se leva. Je vais prendre une dernière bouffée de l'air de mon enfance, décida-t-il. Tu m'attends ici ? Bjorn perçut son besoin de solitude. Personne ne pouvait tirer un trait sur son passé sans avoir envie de jeter un ultime coup d'œil en arrière. Pas de problème, je suis assis, j'ai l'estomac plein et il fait bon. Je patienterai toute la nuit s'il le faut. Salim le remercia du regard et, d'un pas mal assuré, traversa la rue. Le chevalier le vit s'engager sur l'esplanade au pied de la tour, faire un signe de la main à un groupe d'enfants occupés à démonter un vélo, passer devant une bande de jeunes installés sur les marches des escaliers, puis franchir la porte vitrée du hall. Bjorn poussa un soupir et étira ses longues jambes. Il avait hâte de quitter cet endroit, de rentrer chez lui. Plus que l'aspect peu ragoûtant du lieu, le sentiment de ne pas être à sa place le gênait. Il était suffisamment cultivé pour savoir que, comme tous les humains de Gwendalavir, il était le descendant d'hommes qui avaient choisi l'exil, et ce choix pulsait dans ses veines. Il comprenait maintenant que Camille se soit sentie pendant des années en décalage avec ce qu'elle vivait. Songer à Camille entraîna ses pensées jusqu'à Merwin. Pourquoi diable le mythique dessinateur avait-il insisté pour qu'il accompagne les adolescents, laissant entendre que sa présence était indispensable à la réussite de l'aventure? Un cri le tira de ses réflexions. Salim l'appelait à l'aide. Bjorn se leva d'un bond et partit en courant, cherchant à son côté le manche de sa hache. Il traversait la rue lorsqu'il prit conscience qu'il était désarmé. Il poussa un juron. Une mobylette qui arrivait sur lui l'évita de justesse, mais déjà le chevalier gagnait le trottoir opposé. Salim se trouvait confronté à un groupe d'individus à l'attitude menaçante. Sans lancer d'avertissement, le chevalier fonça dans le tas. Salim n'était pas monté jusqu'à son ancien appartement. Il avait déambulé un moment dans le hall d'entrée, passant une main distraite sur les murs couverts de graffitis et les boîtes aux lettres éventrées. Impossible d'y déchiffrer un nom. Mais il doutait que le sien y ait été un jour inscrit. Il shoota négligemment dans un prospectus qui traînait sur le sol et prit conscience d'un fait limpide. Il n'était plus d'ici. Sa vie était désormais ailleurs, dans un autre monde, avec d'autres personnes. Cette brutale certitude l'apaisa, comme si un vent purificateur s'était mis à souffler sur son passé. Il respira plus profondément. Il adressa un adieu muet vers le 17e étage et sortit de la tour. La bande était encore là, juste à côté de l'entrée. 6 jeunes, dont l'âge variait de 16 à 20 ans. Salim les connaissait, pas vraiment méchants mais agressifs, avec une tendance marquée pour la provocation gratuite. Il avait déjà eu à plusieurs reprises des problèmes avec eux, chaque fois pour des sollicitations à la limite du racket. « Salim, t'as pas 2 euros ? Salim, j'ai un truc à te demander !» Avec de la diplomatie, du calme et de l'humour, il s'en était toujours tiré sans encombre. En cédant aussi, trop souvent à son goût. Au fil du temps, au prix d'un savant mélange de discrétion et de mimétisme, il avait acquis la faculté de passer inaperçu aux yeux de ce type de bande. Pourtant, en sortant de la tour, il rejeta les épaules en arrière et sa démarche conserva une indéniable assurance. Il avait changé. Il avait combattu des raïs, affronté de multiples périls, survécu à d'innombrables dangers. Il avait vu des cités fantastiques et même croisé un dragon. Son torse s'était élargi, ses muscles durcis. Il n'avait plus peur. « File-moi ta casquette !» Salim tourna la tête. Un des jeunes assis sur les marches s'adressait à un garçon âgé d'une 10aine d'années qui avait fait l'erreur de croiser son regard. Le ton était plaisant, mais la gouaille des paroles ne cachait pas qu'il s'agissait d'un ordre. Le garçon, intimidé, obéit. Sans réfléchir, Salim intervint. Il tendit le bras et intercepta la casquette avant qu'elle ne change de main. Il la reposa sur la tête de son propriétaire qu'il poussa gentiment vers la rue. Le garçon ne se fit pas prier et détala, non sans lui avoir jeté un coup d'œil reconnaissant. « Toi, pauvre cloche, tu cherches les problèmes ?» Le jeune qui avait convoité la casquette s'était levé et approché de lui. En un éclair, Salim se rappela toutes les fois où il avait courbé les chines face aux insultes, les mots jaillir avant qu'il ait pu les retenir. « Mon seul problème, c'est toi, face de rat !» Son interlocuteur se figea une fraction de seconde, puis il agit, très vite. Sa main gauche saisit le col de Salim pendant que son poing droit fusait vers sa figure en un arc de cercle court et méchant. C'était un habitué des combats de rue, mais Salim fut plus rapide que lui. Plutôt que d'esquiver, il s'avança pour chercher le contact avec son adversaire. Le coup qui était destiné à sa pommette n'effleura que sa nuque, lui offrant l'avantage d'un bref instant qu'il mit à profit. Il abattit de toutes ses forces le tranchant de ses 2 mains dans les côtes de son agresseur. Celui-ci se plia en 2 en émettant le bruit d'un ballon de baudruche qui crève. Il se laissa glisser à genoux, cherchant désespérément à retrouver son souffle, pendant que Salim reculait d'un pas. Les 5 autres étaient déjà sur lui. Il évita un premier coup de poing, lança son pied dans un tibia, et sourit malgré lui lorsqu'il entendit un cri de douleur. « Bjorn !» hurla-t-il avant d'encaisser un choc sur le menton. Il se baissa pour fouetter les jambes d'un des jeunes, rata sa feinte et reçut un coup sur le crâne. Des étoiles dansèrent devant ses yeux, mais il réussit à se dégager avant d'être écrasé par ses assaillants. Ceux-ci étaient gênés par leur nombre et leur empressement à le frapper. Mais Salim se savait mal parti. Il donna un violent coup de coude et un des agresseurs se plia en deux. Bjorn entra dans la danse à ce moment-là. Le premier jeune avait récupéré et se préparait à revenir dans la bagarre. Il se sentit tout à coup saisi à la nuque, comme par un étau. Puis une poigne de fer attrapa le fond de son pantalon et il s'envola jusque dans un buisson voisin. Un deuxième agresseur subit un sort identique avant que les autres ne comprennent que la situation avait évolué. Ils abandonnèrent Salim pour affronter ce nouvel adversaire. Bjorn avait beau être impressionnant, ils ne se démontèrent pas. Et en une seconde, le chevalier se retrouva assailli de toutes parts. Salim avait du mal à recouvrer son équilibre. Il leva les yeux pour voir un troisième garçon partir en vol plané. Bjorn, conscient d'avoir affaire à des adolescents et non à des adultes, ne portait pas de coups. Il se contentait de parer ceux qu'on essayait de lui infliger et, quand il en avait la possibilité, éjectait un de ses adversaires sans la moindre délicatesse, en poussant un grognement sourd. Il faisait un sérieux ménage et les jeunes étaient proches de la panique lorsque la scène s'illumina soudain. « Police ! On ne bouge plus !» La voix avait claqué, forte et autoritaire. La bande se dispersa comme une volée de moineaux, laissant sur le carreau deux garçons trop groggy pour s'enfuir. Bjorn, éberlué, jeta un coup d'œil circulaire, tandis que Salim se relevait péniblement. Quatre policiers leur faisaient face. L'un d'eux tenait une puissante torche électrique. Un autre était penché contre sa voiture et parlait à la radio. Le chevalier attendit que Salim clopine jusqu'à lui. Il ne savait absolument pas quelle attitude adopter. Mais le garçon ne lui fit d'aucun secours. « J'en ai assez de ces bagarres de rue !» jeta le policier en reposant son micro. « Allez, on embarque ces quatre-là !»